Book of Judges. Gideon, Judges 6. And Gideon. Gideon, just look at himself as nothing. Amen. Just nothing. I don't know. Are we able to go there? Put something here. Let's go there. Amen. We need it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the midst of them, you are the greatest. And walk like the greatest. Please. Don't be afraid of anything. Wir gehen zu Richter 6 und lesen uns die Geschichte von Gideon an, der sich auch sozusagen kleiner gemacht hat, als er eigentlich ist. Ne? Und diese Geschichte sollte uns als Erinnerung dienen, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir durch Christus immer größer sind, ne? Intelligenter sind, dass wir in der Mehrzahl sind und eben nicht in der Unterzahl. Mhm. On va lire juste 6 parce que cette histoire avec Gideon, ça va nous faire voir vraiment qu'on doit comprendre, connaître notre identité, on doit être conscient de qui nous sommes parce que lui aussi se voyait toujours inférieur. Judges 6, from verse 12. Lesen Richter 6, ab Vers 12. Juste 6, verset 12. And the angel of the Lord appeared unto him, unto Gideon. Amen. And said unto him, the Lord is with you, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, oh my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befalling us? Why all this happening to us? Why is it that it's as if nothing is working? Why is it I'm made fun of? Why is this I don't have anything? Are you getting it? Why is it that nothing is working? If the Lord be for us, be with us. Amen. Und wir sehen hier in Vers 13, dass Gideon sich die Frage stellt, ne, Herr, wenn du wirklich mit mir bist, wie du doch sagst, warum hat uns dies alles getroffen? Und vielleicht fragen wir uns auch diese Frage oftmals, ne? Warum passieren uns diese Dinge? Warum bin ich durchgefallen in der Prüfung? Warum habe ich nicht das und das bekommen, was ich mir erhofft habe? Warum bin ich nicht weiter in meinem Beruf? Warum dies und jenes, wenn du doch wirklich mit mir bist? Verset 13, on voit ici que Gideon demande à l'Éternel, pendant que l'Éternel lui a dit que tu es victorieux, il dit, mais pour, si tu es vraiment... Pendant que l'Éternel lui a dit que je suis avec toi, il dit que mais si tu es avec moi, pourquoi il y a des histoires bizarres qui m'arrivent, c'est pourquoi je suis abattue en fait. C'est tout comme toi aujourd'hui, pourquoi peut-être tu te demandes aussi, mais l'Éternel, si tu es avec moi, pourquoi j'ai pas d'argent, pourquoi j'ai pas mon bac, ou bien pourquoi j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, patati patata. You can see here there were difficulties. Amen. The children of Israel, they were in difficulties here. Wir sehen hier, dass die Kinder Gottes Schwierigkeiten hatten. Et on voit ici que les enfants étaient vraiment dans des difficultés. Amen. They needed a savior. Und sie brauchten einen Retter. Ils ont eu besoin d'un sauveur. Praise the Lord. Amen. Amen. And where be all these miracles which our father told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and deliver us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, go in this your might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? Verse 15. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. I don't know if somebody's getting it. Mm-hmm. Amen. You are telling God what he did not even know. Mm-hmm. You have to inform me. He was telling God what, as if God did not know that they are poor, mm-hmm, naturally. Mm-hmm. Or is the last. Are you getting it? Mm-hmm. And the same thing we do all the time. Yeah. We remind him of the problem. Mm. As if he have been absent from everything. He's not there. So you have to let him know. Und wir sehen hier in Vers 15, dass Gideon sozusagen versucht, den Herrn einmal aufzuklären, warum er eben nicht diese Aufgabe tun kann, die der Herr ihm aufgetragen hat. Ne? Dass er sagt, dass er der Geringste ist oder dass seine Familie arm ist. Oh. Als ob der Herr das nicht von vornherein wusste, bevor er ihm diesen Auftrag gegeben hat. Ne? Oh. Und so verhalten wir uns oftmals auch, ne? Dass wir den Herrn sozusagen erstmal erinnern wollen, warum wir sozusagen nicht geeignet sind für das, was er uns aufgetragen hat. Ne? Dass wir den Herrn erstmal erinnern müssen, dass wir schon über 30 sind, dass wir ihn erstmal erinnern müssen, dass wir schon im 10. Semester sind und so weiter. Als ob er diese ganzen Dinge noch nicht wusste. Ah, people going to laugh at me. En fait, verset 15, on voit ici que Gideon commence maintenant à dire à l'Éternel, ben, Gideon commence à dire à l'Éternel, mais moi je suis ceci, cela, je suis pauvre dans ma famille, comme si l'Éternel ne savait pas l'histoire de sa famille quand il lui a choisi. Et c'est comme ça que nous aussi, les élus de l'Éternel aujourd'hui, quelquefois quand l'Éternel nous dit de faire ceci, cela, et on se demande, on commence aussi à se justifier, à dire à l'Éternel, ben, moi, j'ai eu ce problème, je suis toujours, je n'ai pas toujours des enfants, il y a des gens qui vont se moquer de moi, je suis au 19e semestre, c'est trop long, ceci, cela, et comme si l'Éternel ne savait pas qui tu es ou d'où il t'a repris ou bien emmené. Quand il t'a aidé en fait. On veut toujours rappeler l'Éternel de nos circonstances, alors qu'il connaît nos circonstances. Voilà. Amen. In verse 14, the Lord said, "Have not I sent thee?" It's the Lord that sent him. Amen. And verse 15 is telling the Lord why he cannot send him. In Vers 14 sagt der Herr, habe ich dich nicht gesandt. Und in Vers 15 versucht Gideon, den Herrn eben daran zu erinnern, dass er sozusagen einen Fehler macht mit dieser Entscheidung, ihn zu senden, weil XY noch nicht bei ihm korrekt ist. Donc verset 14, c'est l'Éternel qui lui dit que mais n'est-ce pas moi qui t'a envoyé? Et verset 15, lui, Gideon lui dit, ben, tu dois te tromper avec moi, parce que moi, normalement, je ne suis pas vraiment le plus fort. Des histoires comme ça, il est en train de dire à l'Éternel, c'est vraiment très bizarre, comme nous, aujourd'hui, quelquefois, on le fait. Amen. Amen. You know, we think about how much do we have. we think about, it's all about the flesh. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Yeah, you know, what are people going to say if it did not work? Mm-hmm. And the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. You will beat them as if you are beating just one man. Mm-hmm. A whole country. Mm-hmm. A whole country. Praise the Lord. Yeah. A whole country. You will beat them as if you are beating just one man. Because I imagine how I beat people then. I imagine. So I will not beat a country like Friday. Who is coming against it. Praise the Lord. Amen. He said, I am with you. He is with us, please. Amen. And in Vers 16 sagt der Herr, weil ich mit dir bin, wirst du diese Midianiter schlagen können wie einen einzigen Mann. Ne? Also es wird dir vorkommen, als ob du einen einzigen Mann eine Schelle geben wirst, obwohl du quasi eine ganze midianitische Armee dann besiegen wirst. Und das wird passieren, weil der Herr mit ihm ist. Ne? Und genauso, weil der Herr mit uns ist, werden unsere Sachen auch alle gelingen. Amen. En fait, ici, l'Éternel lui a répondu, je serai avec toi et pour cela, tu battras les Midianites tout ensemble. Donc, ça signifie que tu dois t'imaginer, c'est comme s'il est en train de dire que parce que je suis avec toi, c'est pour cela que tu es capable à les frapper comme si tu étais en train de frapper tous les Midianites ensemble, toi-même. Donc, c'est comme si, oui, c'est vraiment dingue de s'imaginer comment il est capable maintenant à battre les Midianites. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 17, look at verse 17. Verse 17. And he said unto him, if now I have found grace in you, in your sight, then show me a sign that thou talkest with me. Show me a sign. It's so evil. Remember, I said the six signs. Some six signs. Amen. Praise the Lord. Mm-hmm. We don't need any sign. Mm-hmm. Und Gideon hat hier nach einem Zeichen gefordert, ne, dass es wirklich der Herr ist. Und Das war bösartig von ihm. Erinnert euch an 1. Korinther, wo wir gelesen haben, dass einige wirklich nach Zeichen verlangen und nach Zeichen suchen. Und so sollten wir nicht sein. Ne? Gott, wir sollten nicht Gott anzweifeln, erst wenn wir ein Zeichen sehen und dann erst agieren. Et puis ici, verset 17, il dit que il demande à l'Éternel, mais si c'est toi qui parle, qui me parle, alors fais-moi voir un signe, en fait. Et tu vois, vraiment, c'est vraiment mauvais de chercher des signes, parce que c'est des signes, c'est pas, tu dois le croire sans avoir, oui, sans qu'il puisse se prouver lui-même. You know, it makes sense to do this. Amen. It makes sense. So that I know who is speaking. Mm-hmm. Remember the same thing that we are doing with Jesus. Mm-hmm. Show us signs. Mm-hmm. And Jesus said, evil generation, the sick sign. Mm-hmm. The sick one makes sense. Und menschlich gesehen macht das sogar Sinn, dass man erstmal ein Zeichen möchte. Ne? Man möchte ja erstmal einen Beweis haben, um auch wirklich sicher zu gehen, dass es auch wirklich Gott ist, der dazu einem spricht. Ne? Und genauso haben die Leute Jesus behandelt, dass sie ihm sozusagen aufgefordert haben, dass er sozusagen beweist, dass er wirklich der ist, der er behauptet zu sein, wer er ist. Ne? Und der Herr hat gesagt, es ist eine bösartige Generation, die nach einem Zeichen fordert, anstatt einfach zu glauben. Et tu vois vraiment que l'Éternel, lui aussi, il a dit à la Bible, il a dit que c'est que ça s'est aussi passé avec Jésus-Christ, quand ils ont dit à Jésus-Christ de les de les montrer un signe. Et Jésus-Christ, il a dit que c'était vraiment une mauvaise génération, parce que la chose avec l'Éternel, tu dois croire sans avoir des signes. Mais dans ce monde naturel, c'est normal, c'est compréhensible que tu dois d'abord voir avant de croire. Mais pour l'Éternel, c'est vraiment mauvais. Donc, une mauvaise génération quand on veut voir avant de croire. Praise the Lord. Alléluia. Back to 1 Corinthians 1, please. Wir gehen zurück zu 1. Korinther 1. 1 Corinthians 1. Vers 25. Vers 25. He said, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh. You see there, after the flesh. Amen. Amen. Not many mighty, not many noble are called. Amen. Amen. But God has chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God had chosen the weak things of this world, those that never pass. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That need Jesus before they can pass. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That just need Jesus to see everything. Mm-hmm. That's those he chose. Amen. Mm-hmm. To confound the things which are mighty, and the best things of the world, and things which are despised are God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. That's why I'm qualified today. Mm-hmm. Amen. Can see why I'm qualified to be here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Und ab Vers 27 lesen wir, warum ich beispielsweise hier in der Lage bin, qualifiziert bin, in der Lage, das Wort Gottes zu verkündigen. Ne? Weil der Herr eben diese törichten Menschen der Welt ausgewählt hat, um die Weisen zu Schanden zu machen, ne? Um die Weisen zu beschämen. Er benutzt gerade diese Menschen, die sozusagen sich von Christus abhängig machen, um die Prüfung zu bestehen, sich von Christus abhängig machen, um, keine Ahnung, zu heiraten, sich von Christus abhängig machen, um Dinge zu tun in dieser Welt und eben nicht die Leute, die die Weisheit dieser Welt haben, um sozusagen sein Wort zu verkündigen. Und deswegen bin auch ich qualifiziert, weil ich mich auf Christus verlasse. Verset 27, il dit ici que Dieu a choisi Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Donc, ça signifie que lui, il choisit les faibles. Donc, il choisit quelqu'un qui n'est pas capable à passer ses examens sans lui pour le faire passer. Il choisit une personne qui a besoin de lui pour se marier. Il choisit une personne qui est vraiment stupide pour le faire devenir un président, pour couvrir le monde de honte. Et c'est la raison laquelle moi, aujourd'hui, je peux être devant vous et en train de prêcher Parce que naturellement, je ne suis pas capable de le faire. J'ai besoin du Saint-Esprit pour le faire. Amen. Those that cannot even speak, speak English or Dutch, that cannot even read the Bible fluently. Are you getting it? That have before you just full of mistake upon mistake upon mistake. He said those he chose. Because that no flesh should glory in his presence. Verse 29. Er hat eben diese Leute ausgewählt, die sich eben nicht eloquent in Englisch oder Deutsch. Er hat die Leute ausgewählt, die sich eben nicht eloquent in irgendeiner Sprache ausdrücken können. Die Leute, die noch nicht mal vielleicht richtig lesen können oder die Bibel von A bis Z durchgelesen haben. Eben diese Leute hat er ausgewählt und nicht diese Leute, die sich auf die Weisheit dieser Welt verlassen oder sich darauf berufen. Und zwar wegen Vers 29, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Ne? Damit niemand sagen kann, ja, ich habe es ja auch so weit geschafft, weil ich ja auch so hart gelernt habe, weil ich 24 Stunden die Bibel gelesen habe, weil ich ja immer gefastet und gebetet habe. Und darum geht es ja eben nicht, weil es geht nicht darum, dass es Jesus plus deine Werke oder Jesus plus deine und dich ist, sondern es geht um Jesus allein. En fait, l'Éternel dit que lui, il a choisi vraiment les faibles pour couvrir la honte des puissants, en fait. Et c'est pour cela aussi, il dit, il a aussi expliqué pourquoi. Il a dit que ainsi qu'aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Donc, il le fait parce qu'il veut aussi que la grâce soit rendue à lui et pas à l'être humain. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 30. That of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, this very place we talk us to, we boast, and we boast a lot. Und dass dieser Vers, den wir gelesen haben, zeigt uns, dass wir uns rühmen dürfen, aber dass wir uns des Herrn rühmen dürfen. Und deswegen rühmen wir uns auch sehr oft des Herrn. Et ce passage qu'on vient de lire jusqu'à la fin, ça va nous faire voir qu'on peut aussi, on est capable aussi à se vanter. Et c'est pour cela, nous, ici aussi dans notre ministère, on se vante, mais on se vante à cause du Christ en nous. You know, we boast a lot because we are full of Christ. Und wir rühmen uns sehr oft, weil wir einfach voll von Christus sind. Nous, on est en train de se vanter à cause du Christ en nous. You can never be full of Christ and not boast of Christ. Du kannst niemals voll sein von Christus und dich nicht Christus rühmen, ne? Ihm nicht preisen. Tu peux pas être plein du Christ et ne pas te vanter, en fait. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, people that are full of religion, they are full of the humility of religion. Und I don't know if you get it. Die Menschen sind, die voll humble. Sind von Religion. They are full of religion. They are full of their humility. Und die Menschen, die voll sind von Religion, verstecken sich auch hinter dieser Demut, danke, der Demut von Religion, ne? Dass man da bescheiden sein soll und dass man da nicht so, ne? Man muss da im Hintergrund bleiben, man darf das ja nicht irgendwie so öffentlich kundmachen. Mm-hmm. Das ist halt diese Demut von Religion. Et on peut voir que les gens qui sont vraiment pleins de la religion, eux sont vraiment en train de se humilier, ils ont la humiliation de ce monde. Et ils sont par exemple toujours calmes, ils ne doivent pas être, comment on dit, toujours en train de dire quelque chose, il doit toujours être calme, faire des choses que tout le monde soit à l'aise, en fait. Hein. Ça, c'est l'humilité de ce monde. Amen. Again, we boast a lot because we are full of Christ, just like Jesus. When he was here, you can see his boasting. I and my father, we are one. Are you getting it? I do everything that pleases him. You can see. Are you getting it? Because he was full of his father. Is somebody understanding? Und wir rühmen uns sehr viel um Christus willen, Genauso wie es Christus gemacht hat, als er hier auf Erden war, denn er hat sich auch um seinen Vater sozusagen gerühmt, ne? Weil wir lesen auch, dass er gesagt hat, ich und mein Vater, wir sind eins, oder ich tue nur das, was meinem Vater wohlgefällt. Ne? Wir sehen, dass er sich auch dementsprechend gerühmt hat. Mein Vater, ja. Et en fait, on voit aussi avec nous, les enfants de Dieu, on est en train de se vanter, se vanter du Christ en nous, comme le Christ aussi le faisait. Il disait toujours, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, on fait ceci, cela. Donc, il se vantait aussi de son Père, vu que son Père était en lui. Amen. Et c'est la même chose que nous, on fait aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. You know, when he was here, he was so full of his Father. And he was always boasting. Remember when they brought that sick man through the roof. He told that man, said, your sins are forgiven thee. And the Pharisee said, who can do that? It's only God. Can see how Jesus, are you getting it? Mm-hmm. He said, are you angry because I said your sins? Yeah, because I just forgave this man his sin. Amen. Mm-hmm. So full of his Father. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. And he now said to them, which is more easier, to say this or that? To say, you know, your sins are forgiven is more even easy. Because it's easier than if I tell him to walk. Are you getting it? If I can do the easiest one, the easy one, I can do the greater one. Which, normally, your sins are forgiven thee is greater than rise up and walk. Mm-hmm. But naturally, according to the system of man, rise up and walk is greater. Mm-hmm. Because everybody can see rise up and walk. Mm-hmm. But no one can see your sin is forgiven. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Jesus did both. He did it too. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Und wir erinnern uns an die Geschichte von Jesus, als die Freunde sozusagen den Gelähmten über das Dach runtergeholt haben und Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Ne? Das war auch eine Art und Weise, wie der Herr sich einfach für seinen Vater gerühmt hat, weil ihm einfach bewusst war, dass er und sein Vater eins waren. Und die Pharisäer waren ja so aufgebracht über diesen Satz, dass sie gesagt haben, Herr, wer kann denn Sünden vergeben außer Gott? Ne? Und Gott hat sich auch gedacht, ja, deswegen hab's ja auch gesagt. Und dann hat er auch geantwortet und gesagt, was ist denn größer, jemandem zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder jemandem zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ne? Weil für das menschliche Auge oder für den menschlichen Verstand ist, einem gelähmten Menschen zu sagen, nimm deine Matte und steh auf und geh, ist viel härter, als einem Menschen zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Obwohl geistlich gesehen diese Sündenvergebung durch Gott, durch Jesus Christus viel, viel größer ist. Und wenn Gott oder wenn Christus dieses Größere machen kann, dann wie viel mehr dieses Kleinere, was die Heilung von diesem gelähmten Mann ist. Und deswegen war halt der Herr auch in der Lage, ihm zu sagen, dass seine Sünden vergeben sind. Donc on peut voir avec l'histoire de cet homme qui était paralysé et où l'Éternel lui a dit que marche, et puis il lui a dit que oui, tes péchés t'ont été pardonnés. Et puis on va voir que dans l'histoire qu'il y a des pharisiens qui se disaient que oui, ben comment tu peux dire une chose pareille? Mais vu que Jésus-Christ il se considérait si un avec l'Éternel, parce que les pharisiens lui ont dit aussi que ben, c'est seulement l'Éternel, c'est seulement Dieu qui peut pardonner les péchés de l'être humain par toi. Mais Jésus-Christ se voyait si un avec son Père, il se vantait vraiment avec sa relation avec son Père. Et c'est pour cela qu'il n'a pas vu ça comme quelque chose de dramatique, parce qu'il est capable à pardonner les péchés, ou bien oui, parce que de cet homme, parce qu'il est un avec son Père. Et il a commencé à expliquer ça aux pharisiens, mais eux, ils étaient vraiment pas capables à le comprendre. Et selon l'être humain, selon la vue normale de dire à un homme que tes péchés sont à dire à un homme qui est paralysé que tu es guéri maintenant est plus grand que dire à cet homme tes péchés ont été pardonnés. Mais spirituellement, de dire que tes péchés ont été pardonnés est plus grand que dire tu es guéri maintenant. Mm-hmm. Et c'est une chose que l'Éternel lui a dit, Jésus-Christ les avait dit, que mais qu'est-ce qui est plus grand, de dire à cet homme de marcher ou bien le fait que je l'ai dit que tes péchés sont pardonnés. Et on peut voir vraiment que l'être humain et surtout les pharisiens ici n'étaient pas vraiment capables à juger ou bien comprendre. Praise the Lord. Alleluia. Amen. You know, Jesus, his boasting was so high. Mm-hmm. Amen. Because he never separated himself. He was just acting according to his father. Mm-hmm. Just like he wanted them to know that he is the father. Mm-hmm. Amen. Revealing the father in him. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He did not even hide it. He said, your sins, you know, they said, who can forgive sin except God? He was telling them, I'm God. Mm. Are you getting it? Mm. And they could not still get it. Und das Rühmen von Christus war so groß und so stark, weil er einfach dieses krasse Bewusstsein hatte, dass er und sein Vater einfach eins ist. Ne? Und er wollte auch den Leuten sozusagen den Vater durch ihn offenbaren, ne? Durch die Dinge, die er getan hat, weil diese Aussage von den Pharisäern, wer kann Sünden vergehen außer Gott, ne? das war Jesus ja natürlich auch bewusst und er hat es ja auch genau deswegen gemacht, um ihnen zu zeigen, dass er Gott ist, aber sie waren so verblendet, dass sie es nicht mitbekommen haben, nicht gemerkt haben. Donc en fait, on peut voir que Jésus-Christ, quand il s'est vanté de son père, il se vantait vraiment avec sa relation avec son père, il le faisait vraiment sans cachette. Il voulait aussi que les gens puissent voir qu'il est un avec son père. Et c'est la raison laquelle il a dit aussi que il a aussi pardonné les péchés des personnes. Et c'est pour cela que les pharisiens se sont demandé, mais pourquoi tu dis une chose pareille? Parce que lui, il voulait aussi que eux, ils soient conscients que lui et son père, ils sont vraiment réellement un. Donc, il n'a pas dit ça seulement pour blaguer parce qu'il s'est trompé. Non, il a dit ça pour les faire voir que, écoute, c'est pas seulement mon Dieu, mon Père qui est Dieu. Moi aussi, je suis le Dieu, comme mon Père. Moi et lui, nous sommes un. Mais eux, ils n'ont pas toujours compris. Amen. Amen. You can see, you know, he boasted, he was, you know, he was full of his Father. Mm-hmm. And, you know, if you are full of light, that light will shine. Amen. We others will see it. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. You know, like this, okay, yes, sir. Und wir sehen, dass er voll von seinem Vater war, ne? Und er war voll mit diesem Licht. Und wenn auch du voll bist mit diesem Licht, dann wird dieses Licht auch hell erstrahlen, ne? Also es wird öffentlich sein für alle und du kannst es nicht verstecken. Et on voit que lui était vraiment un avec son père. Il était la lumière. Il avait la lumière de son père en lui. Et toi aussi, quand tu as la lumière de ton père en toi, il y a d'autres personnes qui doivent aussi être capables à le voir. Tu ne peux pas le cacher, cette lumière. Like this ministry, we are so full of Christ that we cannot even hide it. He could not hide his father. Everything, any time he goes out, the demonstration was of his father. So also, you know, we are so full of him that we just say, here is, once you come here, you are safe. Mm. Are you getting it? There's no maybe. There's no, no. That's why we invite you to come here. Yeah. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Also, genauso auch in dieser Gemeinde, ne? Dass jeder einzelne von uns, der in dieser Gemeinde ist, sobald er halt rausgeht, auch dieses Licht ausstrahlt. Ne? Also wir machen im Prinzip nichts anderes als das, was Jesus auch getan hat. Ne? Wir haben dieses Bewusstsein von Christus so krass etabliert, dass wir auch wirklich uns rühmen können und sagen können, wenn du hier bist in dieser Gemeinde, dann wirst du auch gerettet. Das ist keine Sache, die man vielleicht in Frage stellen könnte oder es uns vielleicht ist, sondern wir können wirklich mit Sicherheit sagen, dass du hier errettet bist, weil wir wissen, was hier ist, und zwar Christus. Et c'est, ça me rappelle aussi le comportement de Jésus-Christ, ça me rappelle aussi de notre ministère ici, que nous, on est vraiment conscients de notre identité en Christ. On sait vraiment qu'on est vraiment un avec le Saint-Esprit, que même les gens qui sont ici le remarquent. On ne peut pas cacher notre lumière. Ils se disent, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'il y a comme Jésus-Christ seulement dans votre église? Ben nous, on sait ce qu'on a ici. Et c'est pour cela qu'on est capable à le dire, hein, dire que si tu viens ici, c'est pas par hasard. Quand tu viens ici, tu es vraiment sauvé. Parce que nous, on sait vraiment, on est conscient de ce qu'on a, l'intérieur de la racine de notre église. C'est vraiment Jésus-Christ. On est capable de le dire, on se vante de ça. Amen. Oui. I know because of our message, people will say we are so full of pride. Amen. Amen. And it's true, we are full of pride. Praise Christ. Amen. Amen. Amen. Boasting of Jesus. Amen. Because we know who we are. Amen. Und ich weiß, dass einige Leute aufgrund der Botschaft, die hier gepredigt wird, sagen werden, dass wir sehr stolz sind. Und das sind wir auch. Aber wir sind stolz wegen Jesus Christus. Ne? Wir rühmen uns um Jesus Christus, den wir hier predigen. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que ben, ces gens ici, cette église, sont vraiment des vantards. Vous êtes un peu... Oui, vous êtes des vantards. Et, mais oui, nous, c'est vrai, nous sommes des vantards parce qu'on est en train de se vanter de Jésus-Christ. Parce qu'on sait qui il est, on sait que nous sommes un avec lui. Tout comme Jésus-Christ s'est vanté de son Père. Amen. Just like Jesus was so full of pride. Yes, so full of his Father. Amen. Are you getting it? Amen. We are so full of him. And that's why we never hide it. And we show it everywhere. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will throw tally for with people, we show it. That we belong to him. Mm-hmm. And we only know us. We don't know others. Amen. We are safe. And we are the only one we know that are safe. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. We don't know any of. If you are safe, then come and join us. Mm-hmm. Are you getting it? If we can be one, if you can be one with us, we know you are safe. If not, you are not. We just believe you are not safe. It's as simple as that. If you are not, if the Pharisees, they were not able to be one with Christ Jesus. Nice. You can see that there was no salvation in their life. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. He said, until if you do not believe me, you remain in your sin. Mm-hmm. Und wir rühmen uns genauso wie Jesus sich halt gerühmt hat. Um seines Vaters willen, ne? Weil er mit seinem Vater eins war. Und deswegen können wir, sind wir auch mit Christus eins und werden das auch überall ausstrahlen, wo wir sind oder ob wir in Telefongesprächen sind, werden wir das halt ausstrahlen. Und wir werden das auch nur auf uns beziehen, ne? Weil wir können nur von uns sprechen, weil wir wissen, dass wir die Wahrheit haben. Und bei anderen Leuten können wir das nicht hundertprozentig sagen. Deswegen die Menschen, die auch wirklich die Wahrheit haben und behaupten, die Wahrheit zu haben, es können dann hier hinkommen und dann Teil von uns sein, weil wir sehen das zum Beispiel bei den Pharisäern, dass sie eben nicht ein Teil von Jesus Christus sein konnten, weil sie nicht dieselbe Wahrheit hatten. Et c'est pour cela, tout comme Jésus-Christ se vantait de son Père et il ne faisait pas ça en cachette et tout le monde le voyait, c'est comme ça que nous aussi dans notre ministère, on le fait, on ne se vante pas en cachette, tout le monde peut voir qu'on est un avec notre Père, nous sommes vraiment la lumière, on ne peut pas cacher cette lumière. Et c'est de la même manière aussi qu'on peut seulement le dire, parler pour nous. On ne peut pas parler pour toi ou bien pour autre personne. On peut seulement parler pour nous parce qu'on sait ce que nous, on a. Et si toi, tu dis que tu es né de nouveau et que tu as une relation vivante, alors viens ici avec nous et on va voir. Si toi, tu n'es pas capable à être un avec nous, nous, on croit que tu n'es pas né de nouveau. C'est vraiment simple. C'est difficile. C'est cruel pour toi, mais c'est la vérité, c'est simple. Tout comme les pharisiens, par exemple, eux, ils ne pouvaient jamais être un avec Jésus-Christ, mais ils se pensaient, ils disaient aussi qu'eux, ils sont des enfants de Dieu. Et tu peux voir que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas marcher. Et tout comme toi, si tu viens ici, c'est à toi de choisir. Praise the Lord. Amen. You know Jesus, you know, in Matthew 18, if you go there, you see how Jesus said, we should even see people. How we take decision. Amen. Amen. You can see people will say, oh, she's so full of pride. Look at it here. Matthew 18. Wir lesen Matthäus 18 und sehen, wie der Herr sozusagen. From verse 15 to 17. Wir lesen Matthäus 18, Vers 15 bis 17. He said, moreover, if your brother. Matthew 18, verse 15. Trespass against thee, go and tell him. His fault. Between thee and him. Matthew 18, 15 to 17. Alone. If he shall hear thee, thou hast gained your brother. But if he will not hear thee, then take thee with one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. You see there? Mm-hmm. Amen? But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. I don't know if you understand here. Mm-hmm. Amen? That's how you are going to see it. see that person. You know, people will say, who are you to just see him that way? Are you getting it? Mm-hmm. Why are you full of pride? You don't want to be one with him any longer. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Und wir sehen hier, wie Jesus sozusagen sagt, wie wir solche Dinge schlichten sollen. Ne? Wenn wir eine Person haben, die in Christus zurechtgewiesen wird aufgrund seiner Lehre, dass wir diese Person wie ein Heiden und einen Zöllner behandeln sollen, wenn er die Wahrheit nicht annimmt. Und man könnte jetzt menschlich gesehen sagen, okay, Jesus ist ja richtiger stolz und ein richtiger hochmütiger Mensch, ne? Warum sagt er das denn, dass du überhaupt gar nicht mehr eins sein sollst mit diesen Menschen, dass du dich distanzieren sollst? Warum sind die denn auf einmal Heiden oder Zöllner, nur weil sie mit dir nicht in einer Meinung sind oder dir nicht zustimmen? No longer your church. Genau, weil sie oder weil sie nicht mehr in deiner Gemeinde sind und warum übertreibst du jetzt so? Donc on peut voir ici verset 17, Jésus-Christ nous fait voir comment on doit se considérer l'un vers l'autre quand il y a des problèmes. Il y a beaucoup de corrections et à la fin, si la personne ne se laisse pas corriger ou bien refuse de se laisser corriger devant toute l'église, il dit « considère-lui comme un païen ». Verset 17, il le dit si, vraiment clairement ici. Considère-le comme un païen. Mais aujourd'hui, les gens vont te demander, mais là, pourquoi? Seulement parce qu'il n'est pas dans ton église, tu dis qu'il est un païen. Qui es-tu à dire des histoires comme ça? Seulement parce qu'il a refusé de venir, d'accepter les histoires qu'ils ont dit à l'église. Il a sa relation encore avec l'Éternel. Mais l'Éternel a dit ça ici clairement que si la personne refuse, tu dois le considérer comme un païen. Et c'est ce que nous, on fait ici aussi. Praise the Lord. Amen. How often have we heard from people? Amen. Mm-hmm. Once people live here, they'll say, if we once live here, that does not mean it's not a child of God. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He said, but if he neglect to hear the church, you see there, let him be unto thee as an heathen. That man is no longer safe. Mm-hmm. I don't know if you are getting it. Und wir haben das hier auch schon das ein oder andere. Und wir haben das hier auch schon das ein oder andere Mal gehört, ne, dass Leute hier diese Gemeinde verlassen haben und behauptet haben, ja, nur weil die Person die Gemeinde verlassen hat, heißt das ja nicht, dass sie kein Kind Gottes mehr ist, ne? Dann, aber hier steht ganz klar, hört diese Person nicht auf die Gemeinde, dann ist er dann soll er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner sein. Ne? Mhm. Und das bedeutet auch, dass diese Person danach nicht errettet ist. Ne? Weil in der Gemeinde geht es nicht um ein Gebäude, sondern die Gemeinde ist das Königreich Gottes. Mhm. Und wenn diese Person nicht auf das Königreich Gottes gehört, dann ist die Person aus dem Königreich Gottes raus. Mhm. Donc, verset 17 nous dit que s'il refuse de se, d'écouter ce que dit l'Église, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen. On a déjà écouté ça plusieurs fois, que les gens disent que, ben, pourquoi tu considères personne telle ou une personne telle comme un païen seulement parce qu'il a refusé d'écouter ce que l'Église a dit, mais la personne a encore sa relation avec l'Éternel. Mais non, c'est ce que l'Éternel dit ici, tu n'es plus un enfant de Dieu. On ne dit pas qu'il ne s'agit pas de notre Église, parce que cette Église ici, c'est aussi le royaume des cieux. On voit ça un avec le royaume des cieux. Donc, si tu n'es plus ici, tu n'es pas aussi dans le royaume des cieux. C'est simplement comme ça. Amen. Amen. Those that see the church as a building are not the kingdom of heaven. Yeah. Mm. Und das ist eine wichtige Memo an die Leute, die Gemeinde als ein Gebäude erachten oder dass die Gemeinde sozusagen die Fassade ist, wo die Menschen sich immer sonntags versammeln. Das ist nämlich die Gemeinde eben nicht. Et c'est ça, c'est surtout pour ce que je dis, c'est pour surtout pour les gens qui sont en train de considérer l'église comme un bâtiment. Mais ce n'est pas un bâtiment. Donc, si tu considères une église comme le bâtiment, c'est pour cela que ça te pousse à dire des histoires, des bêtises comme ça. Mais si tu sais que l'église, c'est Jésus-Christ, l'église, c'est le royaume des cieux, tu ne peux pas dire une chose comme ça, tu ne peux pas séparer le royaume des cieux avec, de son église. Praise the Lord. Alléluia. The church is the kingdom of heaven. Amen. And the kingdom of heaven is the church. Die Gemeinde ist das Königreich Gottes und das Königreich Gottes ist die Gemeinde. L'église, c'est le royaume des cieux et le royaume des cieux, c'est l'église. Certain children, they also boast. They boast a lot because they are full of their father, the devil. Und auch die Kinder des Satans. Also boast. They boast of their father. Mm-hmm. Und auch die Kinder des Satans, die rühmen sich auch sehr oft, weil sie wissen, wer ihr Vater ist, ne? Und sie rühmen sich ihres Vaters Willen. De même avec les enfants du diable, les enfants du diable sont toujours en train de se aussi en train de se vanter, mais se vantent de leur père qui est le diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. They boast a lot because they are full of their father, the devil. Und sie rühmen sich oft, weil sie voll sind von ihrem Vater, der der Teufel ist. Ils sont en train de se vanter parce que ils sont vraiment pleins de leur père et que leur père est le diable. Amen. Amen. They boast of themselves. Und sie rühmen sich um sich selbst. Et ils sont en train de se vanter pour eux-mêmes. They boast of their degree. That is their boasting of yourself, boasting of your degrees, boasting of Satan. Bank account. Denn wenn du dich um dich selbst rühmst, ne, deine Qualifikation rühmst, um dein Geld rühmst, um dein Kontostand rühmst, all diese fleischlichen Dinge rühmst, dann rühmst du dich auch gleichzeitig um Satan. Ils sont en train de se vanter pour leur qualification, leur compte bancaire, des histoires comme ça, tout ça. Quand tu es en train de se vanter de toi-même, tu es en train de te vanter du diable. Amen. Amen. They boast of their intelligence, their account, just like Papa just said. Sie rühmen sich um ihre Intelligenz oder ihren Kontostand. They are proud of their country. Oder they auch the boast of it. The color of their skin. Mm. Oder sie rühmen sich um ihres Landes willen, ne? Um diesen Nationalstolz, den sie haben, oder die Hautfarbe, die sie haben. Mm. Ils sont en train de se vanter de leur nationalité ou bien de leur pays, des histoires comme ça. C'est tout ça, c'est démoniaque. Their beauty, they boast of their beauty, their job, their parents, amen. Their relationship with their family, with their natural family. They boast of all those things. And boasting of those things is boasting of Satan. Oder sie rühmen sich ihrer Schönheit oder dem Beruf, den sie ausüben. Oder sie rühmen sich ihrer fleischlichen Familie, ne, dass sie so eine tolle Happy Family sind. Aber all diese Dinge, mit all diesen Dingen rühmen sie sich gleichzeitig auch dem Teufel. Mm. Donc, sie sind en train de se vanter de leur famille et de tout ça, de leur bien-être. Ben, tout ça, c'est se vanter du diable, parce que oui, il s'agit du soi. The boast of one. And that one is Satan. Mm. And we also boast of one, and that one is Christ Jesus. Amen. Sie rühmen sich nur um eines, und zwar dem Teufel, aber wir rühmen uns auch um eines, und zwar Jesus Christus. Eux, ils se vantent d'une personne qui est le diable, et nous aussi, on se vante d'une seule personne qui est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. 2 Corinthiens 10. Wir lesen 2. Korinther 10. 2 Corinthiens 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Please, can you allow here to be your homework? Amen. 2 Corinthians 10, the whole of 10. Amen. Bitte lies das ganze Kapitel. Chapter 10, very important. Amen. Bitte lies das ganze Kapitel 10 zu Hause als Hausaufgabe. Lisez 2 Corinthiens 10 à la maison comme votre devoir. Verse 8, please. Wir lesen ab Vers 8. Verse 8. He said, for though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord had given us for edification and not for your destruction, I should not be ashamed. Praise the Lord. Amen. Boasting of Christ Jesus is for edification and not for destruction. Amen. So bring you out of that darkness and receive the same Christ that I have. You can always be like me. Once you come to Christ. Amen. Sich um Christus zu rühmen, dient zur Erbauung und nicht zur Zerstörung, dass die Person zu Christus kommen soll, ne? Dass die Person Buße tun soll und sich auch so um Christus rühmt, so wie du. Donc en fait, quand il dit de même, je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser. Donc quand tu es fier, tu es en train de vanter pour que le Christ, c'est pour te reconstruire, pour aider aussi les autres à s'édifier et pas pour détruire. Amen. Boasting of Christ Jesus is to free you. Amen. Sich um Christus and not to bring you down. Amen. Sich um Christus zu rühmen ist, um dich zu befreien und nicht um dich runterzumachen. Et quand tu es en train de te vanter du Christ, c'est là pour te délivrer et pas pour pour détruire une autre personne ou Amen. Toi-même. You know, we boast of this ministry. Because this ministry is Christ. Amen. Amen. Amen. And you know, it's not to destroy other ministry. Are you getting it? Mm. It's to help them to come. Amen. To come out of that darkness. Mm. That religion that they are Amen. In. So yeah. that they can be free. Yeah. Mm. Und wir rühmen uns beispielsweise um unsere Gemeinde, ne? Weil wir wissen, dass diese Gemeinde Christus ist. Aber uns geht es nicht darum, damit andere Gemeinden runterzumachen, sondern wir wollen, dass andere Leute hier in diese Gemeinde kommen und die wahre Errettung empfangen. Nous, par exemple, quand on se vante du Christ, on se vante pas pour la chair, ou bien pour détruire, ou bien pour rabaisser d'autres églises, parce que nous, on sait qu'est-ce qu'on a ici. On se vante du Christ dans cette église, et c'est pour cela quand on est en train de se vanter du Christ, dans notre église, on est en train de le faire pour aussi que autres églises puissent sortir de leur captivité où ils sont, de sortir de leur oui, d'apprendre et de vouloir aussi devenir Jésus-Christ, avoir le Christ dans leur église. Remember, Christ is no respecter of a person. Mm-hmm. Amen. Erinnert euch daran, dass Christus nicht auf das Ansehen der Person schaut. Et rappelez-vous que l'Éternel ne respecte pas oui, l'être humain. If you believe like I believe, if you choose Christ as I choose Christ, you'll get the same result. Ja, wenn du so glaubst, wie ich glaube und dich so für Christus entscheidest, wie ich mich für Christus It's entscheide, no respect of any person. Dann werden wir dieselben Ergebnisse erzielen. Ne? Er sieht nicht das Ansehen der Person oder bevorzugt dich oder benachteiligt mich. Si tu crois l'Éternel comme moi je crois l'Éternel, ou bien tu oui tu as tu fais confiance à lui comme moi je le fais confiance, tu auras le même résultat que moi. Donc il va pas donner à l'autre ceci et à l'autre cela malgré ils ont la oui la même relation. Please know the difference between the pride of this world and the heavenly pride. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Heavenly pride is different from that of this world. Heavenly pride brings you out. It has defied you. It will bring you out of darkness. Mm-hmm. This the pride of this world, that is of Satan, is to bring you down. Mm-hmm. It's to destroy you, mm-hmm. to seize you as nothing, mm-hmm. to kill, steal and destroy you. Mm-hmm. Erkennt bitte den Unterschied zwischen dem Stolz dieser Welt und dem himmlischen Stolz. Ne? Beim himmlischen Stolz geht es darum, dass es sich erbauen soll, dass man sozusagen die Menschen dann auch in dieses Königreich bringen soll, in das man hineingekommen ist, indem man errettet wurde. Und der Stolz dieser Welt geht es darum, dass man andere klein macht, dass man andere niedermacht, ne? Und dass man andere, dass man sozusagen also über andere stehen möchte. A lot of people. Und deswegen gibt es auch Leute, die sich deswegen auch das Leben nehmen und sich umbringen aufgrund dieses Stolzes. Il y a beaucoup de gens qui se tuent eux-mêmes, qui oui parce que ils ne connaissent pas la différence entre l'orgueil de ce monde ou bien quand tu es en train de te vanter du Christ, par exemple. L'orgueil de ce monde est là pour détruire les autres ou bien se détruire soi-même, et c'est pour cela que les gens se tuent ou bien commettent des suicides parce que ils se disent que oui, je ne peux pas arriver comme je ne peux pas atteindre cette que l'autre est en train a obtenu, par exemple. Mais quand tu te vantes de l'Éternel, ça est en train, c'est là pour se édifier, pour dire que ah, vu que X a fait ceci, comme nous aussi on le fait à l'église, c'est-à-dire que bah, Paul, il a fait ceci, il a obtenu ce résultat, et c'est pour cela, moi, il s'est vanté de ça, et moi je le vois comme exemplaire, et moi aussi je veux que ma foi puisse être comme celui d'Abraham, ou bien de Isaac, ou bien, je sais pas, de continuer comme ça. C'est là pour se refortifier, pas pour se détruire. Amen. Amen. What kind of pride is to save people? Mm. Amen. The world, this world, their pride is still kill and destroy. You can see how many people killing themselves today. Mm. Because they are not able to meet, to be like others. Mm. Amen. Bei dem himmlischen Stolz geht es darum, Menschen zu befreien, ne? Menschen zu erretten. Aber der Stolz dieser Welt stiehlt, tötet und zerstört die Menschen. Und deswegen sehen wir auch, dass viele Leute deswegen in der Lage sind, sich auch selbst umzubringen. Donc, l'orgueil de l'Éternel est là pour sauver les gens, pour sauver les âmes, pour, oui, pour le salut des êtres humains. Mais l'orgueil de ce monde est là pour tuer et pour détruire les hommes. Amen. Et verset 17. Verset 17. Verset 17. Verset 17. Il dit, « But he that glory, let him glory in the Lord. For not, verse 18 now, for not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I hope you understand it, please. Mm. Und wir lesen Amen. Hier ganz klar, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ne? Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der den Herrn empfiehlt. Mm. Si quelqu'un veut s'éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture. Ainsi, c'est lui qui est approuvé. Ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais c'est lui que le Seigneur recommande. Praise the Lord. Amen. Religious people, especially the Christians, the Muslims, they boast of themselves. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. They boast of their self-righteousness. Mm-hmm. They might not boast of their cars or their houses or how many children they will have, but they are holy. Mm-hmm. You know, they don't lie anymore. They don't steal anymore. It's all about what they do. Mm-hmm. They boast of their self-righteousness. Mm-hmm. And not what Christ called righteousness. Mm. Und religiöse Menschen, sie rühmen sich ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Ne? Sie rühmen sich vielleicht nicht materiellen Dingen, ne? Dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Haus, ich habe ein Auto und ich habe Kinder, aber sie rühmen sich ihrer Selbstgerechtigkeit, dass sie ja so heilig sind, dass sie ja nicht lügen, nicht stehlen, dass sie all diese Sünden. They will confess their sin before one another. Ne, dass sie einander ihre Sünden bekennen, dass sie sich deswegen, dass sie deswegen rein sind und das ist ihre eigene Selbstgerechtigkeit. Et tu peux voir que l'orgueil des religieux, c'est aussi un peu différent de l'orgueil des païens, par exemple. Eux, par exemple, les gens religieux, leur orgueil, c'est aussi démoniaque. Parce que eux, ils sont en train de. L'orgueil, c'est pas parce que. C'est pas du matériel, mais. Leur orgueil, c'est basé sur ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont confessé les péchés, ils sont partis à l'église, ils ont fait des veillées de prière, ils ont arrangé l'église, ils ont balayé l'église, des histoires comme ça. Et tu peux voir que c'est aussi, il s'est basé sur eux-mêmes, sur ce que eux ils font pour l'Éternel. Praise the Lord. C'est aussi mauvais. Amen. Just like the people we met yesterday, please you discuss it in the Bible studies. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know that you know their self-righteousness is what they use to train their children, even training their children, bringing them up. Amen. It's all about their self-righteousness. Und mit dieser Selbstgerechtigkeit ziehen sie sogar ihre Kinder auf, ne, und geben diesen Kindern dann ihre Selbstgerechtigkeit mit. Et ces gens-là que même on a croisé hier, eux ils sont aussi avec leur Selbstgerechtigkeit. Justice. Leur justice, leur propre justice. Ils sont en train aussi de donner ça aussi à leurs enfants et ils veulent aussi que leurs enfants puissent grandir avec cette justice. Amen. You know, their self-righteousness, like, for example, respect your elders. Are you getting it? Mm. Well, if your elders want to sit down, if you are standing, they are standing up, you are sitting down, stand up for them to sit down. Are you getting it? Respect your elders. The book of James said, if you have respect for a person, even including elders, you commit sin. Are you getting it? Self-righteousness. Well, you know what heaven call evil righteousness. Und diese Selbstgerechtigkeit, mit denen sie ihre Kinder erziehen, ist beispielsweise, dass sie ihnen beibringen, dass sie aufstehen müssen, wenn eine ältere Person, also dass sie generell ältere Personen respektieren sollen und beispielsweise den Sitz frei machen, wenn eine ältere Person kommt, damit die Person sich setzen kann. Und in der Bibel steht aber ganz klar, dass wenn du eine Person ansiehst, dann begehst du ganz klar eine Sünde. Ne? Und das gilt halt auch für ältere Menschen, dass man nicht die Menschen respektiert, weil sie älter sind oder weil sie irgendwie... bereits schon viele Jahre sozusagen auf dem Buckel haben. Aber diese Gerechtigkeit, damit werden diese Kinder dann aufgezogen. Und besonders in Afrika sieht man, dass das, man diese Selbstgerechtigkeit mit diesen Prinzipien dieser Welt, die Leute auferzogen werden. Et on peut voir que cette justice de soi, c'est vraiment très dangereux en fait. Parce que si tu es en train de donner ça aux délégués génération à génération, mais ça n'a rien à faire avec Jésus-Christ. Ça a seulement à faire avec les normes de ce monde. Mais nous, on n'est pas de ce monde. on nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est pour cela que la justice qu'on doit être, qu'on doit s'entraîner ou bien aussi entraîner nos enfants avec, ça doit être la justice du Christ. Parce que par exemple, ils disent, quand tu es dans un bus, tu vois quelqu'un âgé, tu dois te lever, tu dois donner le respect aux gens âgés. Surtout en Afrique, les gens le font comme ça. Mais ça, c'est une justice de soi qui vient des normes africaines ou bien de ce monde. C'est pas du Christ, parce que l'Éternel nous dit qu'on respecte pas quelqu'un parce qu'il est âgé, mais on respecte le Christ dans une personne. Quand tu vois que tu es le Christ, je vois le Christ en toi, c'est pour cela que je te respecte, pas parce que tu es plus âgé que moi. Amen. No religion, you know, they are full of respect. It's always respect. For their respect. We respect Christ and not people. Amen. Amen. Amen. Two reasons why we respect Christ, why we respect people. Are you getting it? Because we respect Christ. That's why we respect people. Mm. We respect Christ. One, number one, because you are Christ, I respect you. Mm. Number two, because I want to bring you to Christ. Mm. Why am I standing up for you to sit down? It's not because you are old, but because I want you see that you are Christ, so I want to share Christ with you. Amen. That is the motive of our respecting one another and nothing else. Mm. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir sozusagen nur Christus respektieren, ne? Nicht die Person oder das Ansehen der Person oder weil die Person älter ist, dass wir deswegen unseren Respekt sozusagen zollen, sondern wenn wir die Leute respektieren, dann respektieren wir immer Christus, ne? Und es gibt zwei Arten, wie wir sozusagen diesen Respekt in Christus ausdrücken. Entweder respektiere ich mein Gegenüber, weil ich Christus in meinem Gegenüber sehe, oder ich respektiere die Person, weil ich möchte, dass diese Person zu Christus kommt. Das heißt, wenn ich meinen Sitz zum Beispiel frei mache für eine andere Person, dann mache ich es nicht frei, weil diese Person jetzt schon 60, 80 ist oder weil sie älter ist, sondern ich mache meinen Sitz frei, weil ich entweder Christus in dir sehe und ich möchte, dass Christus sich setzt, oder weil ich möchte, dass diese Person zu Christus kommt und ich das sozusagen als das nutze, um diese Person zu Christus zu bringen. Yeah. To preach to that person. Yeah. On doit comprendre que quand on respecte, nous, on ne dit pas que nous, on ne respecte pas les personnes. Nous, on respecte les personnes, mais basé sur le Christ dans ces personnes. Ça signifie que si moi, je vois une personne qui est âgée et que moi, je me lève, c'est pas parce qu'elle est âgée. Je me lève parce que je vois le Christ en cette personne. Je sais que la personne, elle est une sœur en Christ, ou bien elle est le Christ que je vois, ou bien que je veux même prêcher, les Saint-Esprit me dirige à le faire pour prêcher la parole à cette femme. Et c'est pas parce que elle est âgée ou bien, donc nos motifs, c'est pas les mêmes motifs de ce monde. Amen. Et ça, on doit vraiment considérer, en faire attention de ne pas les confondre. Amen. Amen. James 2, 9, please. Wir lesen Jakobus 2, Vers 9. Jacques 2, verset 9. It says, but if you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law as transgressors. Amen. Mm-hmm. No self-righteousness can save you. Mm-hmm. Wir lesen hier, wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Das heißt, keine Selbstgerechtigkeit wird dich vor dem Herrn gutstellen können. Verset 9 de Jacques 2. Mais si vous faites preuve de favorisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Tu vois, donc à travers, quand tu fais du favorisme et que tu es en train de respecter une personne à cause de son âge, de son statut, de son rang, des histoires comme ça, là tu seras condamné par la loi parce que on est en train de désobéir à l'Éternel. Self-righteousness and evil righteousness. Also die Selbstgerechtigkeit ist eine bösartige Selbstgerechtigkeit. Donc la justice de soi est vraiment une justice, mauvaise. It means you are under the law. Und das bedeutet, dass du unter dem Gesetz stehst. Ça signifie que tu es sous la loi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We just talked about parents teaching their children respect your elders. Mm-hmm. Be good to people. What man and religion call good. Amen. Mm-hmm. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass Eltern ihre Kinder diese Gerechtigkeit dieser Welt beibringen, ne? Dass sie gut zu den Menschen sein sollen, dass sie ältere Menschen respektieren sollen. On venait de dire que la religion nous fait voir que oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va vraiment respecter nos parents, les gens qui sont plus âgés. Oui. Amen. A good home training. Don't tell lies. Don't steal. Don't fight. Don't drink any alcohol. Don't smoke. They are all evil righteousness. Und diese Eltern, die ihre Kinder diese Gerechtigkeit dieser Welt beibringen, ne? Dieses, du darfst nicht stehlen, du solltest nicht rauchen, nichts trinken, respektiere Ältere, sei gut zu den Menschen, all das ist eine bösartige Gerechtigkeit. On doit savoir que tous les histoires comme des bonnes éducations qu'on nous a données, oui, il faut pas boire, faut pas sortir tard, faut pas faire ceci, cela, ou bien faut toujours être gentil, faut toujours poli, gentil. Poli, et tout ça, ce sont des justices de soi qui sont pas bonnes. Amen. Amen. The Bible adds, read your Bible always and pray always. Remember, Jesus said he loved to pray. Amen. Read your Bible always, love to just pray always. Amen. Und vielleicht sagen sie sogar, ja, du solltest immer deine Bibel lesen, du solltest jeden Abend vorm Schlafen gehen beten, du solltest immer vorm Essen beten. Vielleicht werden sie auch diese Sachen sozusagen in ihre Liste hinzufügen. Amen. Dans leur liste, ils peuvent aussi ajouter que tu dois toujours lire la Bible, tu dois toujours prier. Ben, même Jésus-Christ dit que oui, même les pharisiens sont toujours en train de lire leur Torah, par exemple. Ils aiment aussi prier, en fait. C'est pas la justice, en fait, de l'Éternel. Romains 10, from verse 1, please. Wir lesen Römer 10, Vers 1. Romains 10, verset 1. He said, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Those that want, that believe. So there are some that believe that all Israel, they are saved. All Israel is a country. Praise the Lord. Hallelujah. Paul is saying, the writer of Romans said, his desire is pray for them, for all of them to be saved. Mm-hmm. If they are already saved, you don't need to pray for them that they may be saved. Mm-hmm. Amen. Paulus betet hier, dass Israel gerettet wird. Ne? Und es gibt Leute, die glauben, dass das gesamte Land Israel bereits errettet ist. Mm-hmm. Aber wenn das der Fall wäre, dann hätte Paulus das hier nicht aussprechen müssen. Et Romain dit, Paul dit ici que je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les Israélites sont déjà sauvés. Mais si c'était le cas, Paul n'allait pas le crier comme ça. Amen. Amen. Verse 2, it says, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Amen. They are hungry of God, but not according to knowledge. Mm. Are you getting it? Mm. That people are hungry of God does not mean they are of Christ. Mm. Do you see it there? Yeah. Then verse 3, for they being ignorant of God's righteousness are going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Mm. Two kind of righteousness. Yeah. Und wir sehen hier in Vers 2 und Vers 3, dass diese Leute zwar Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Ne? Und in Vers 3 steht hier ganz klar, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das heißt, all diese Menschen, die selbst ihren Kindern beibringen, ja, immer schön beten und immer schön die Bibel lesen, ist zwar schön, dass sie diesen Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Donc, ici, Verset 2 et 3 nous fait voir que les gens dans ce monde, leur manque de discernement, parce que verset 3 nous dit qu'ils sont en train de dire, nous fait voir aussi que même s'ils sont en train de éduquer leurs enfants avec dans la bonne manière et leur dire de prier ou de lire la Bible, c'est pas mauvais, mais c'est en vain, parce qu'il dit ici verset 3, en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens. Ils veulent être déclarés justes en leurs propres moyens et ils ne se sont pas soumis à Dieu. Et ça ne sert à rien, parce que tu le fais, mais tu n'es pas soumis à Dieu, c'est pas aussi, ça ne t'emmène pas le salut. Amen. Amen. You know, I remember all these religious pastors and their children. Don't disgrace me. Mm-hmm. You know, I'm a pastor. Mm-hmm. Don't go and misbehave there. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. As if it's all about him. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Self-righteousness. Yeah. They use it to train their children. And at the end, those children, because if you are carrying load, it's a matter of time, you'll be tired. Mm-hmm. Lord is a load. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You are the one carrying the load. Mm-hmm. Faith is Christ carrying the load. Mm-hmm. And you are just resting on him. Mm-hmm. But under Lord, you carry the load. You are the one that the load, that is, the whole weight is on. Mm-hmm. But under grace, Christ is the one carrying the load, and you are so light. Mm-hmm. That is why I said, come unto me, all you that labor, mm-hmm. and are heavily laden, I will give you rest. Mm-hmm. I will carry the load, and you will rest. Und wir sehen auch, dass diese Selbstgerechtigkeit sehr oft bei Pastoren in religiösen Gemeinden halt ausgeübt wird. Dass wenn sie ihre Kinder auferziehen, sie immer sagen, ja, wenn du rausgehst, achte darauf, dass du meinen Namen nicht in Verruf gerätst. Ich bin ja der Pastor und so weiter. Sie machen das alles, also beziehen das alles auf sich, wenn sie ihre Kinder auferziehen. Ne? Dass die Kinder sie nicht irgendwo beschämen sollen, wenn sie irgendwo anders sind, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, weil sie ein Pastor sind oder weil sie eine Gemeinde leiten. Aber es geht denen nur um sich selbst und nicht um Christus. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann sozusagen dieser Ballast, der diesen Kindern aufgezwungen wird, durch Gesetz, dann irgendwann mal diese Kinder sozusagen zerstören wird, weil das Gesetz Ballast mitbringt für die Leute. Und die Leute sind nicht frei, weil sie halt nicht Christus haben. Wenn du ein Kind in Christus auferziehst, dann ist dieses Kind frei und wird nicht diesen Ballast in sich haben, das Gesetz zu befolgen, die Eltern nicht in Verruf zu bringen, hat diesen ganzen Druck nicht, sondern so wie Jesus gesagt hat, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben, wird diese Person Ruhe haben, wenn sie wirklich in Christus ist. Et puis on doit comprendre. On doit comprendre vraiment que quand tu es en Christ, qu'il y a vraiment beaucoup de pasteurs, par exemple, surtout les pasteurs religieux, eux, ils disent toujours à leurs enfants, oui, il ne faut pas faire des bêtises, il ne faut pas faire ceci, cela, parce que toi, tu es une fille de pasteur, tu es ma fille. Mais ce n'est pas ça qui doit les aider, parce que là, tu es en train de leur donner des poids, en fait, de la loi. Et quand tu es entré quelqu'un, entré égal, peu importe quelle personne, quand tu es entré de suivre la loi, c'est une question de temps que tu seras fatigué et tu vas désobéir à cette loi. Et c'est ça aussi avec ce que les personnes religieuses font, les pasteurs font. Ils sont en train de dire toujours ça à leurs enfants, et c'est vraiment la place où ces enfants font des bêtises, font le contraire, parce qu'ils sont toujours pleins de cette loi qui sont en train de les suivre. Mais c'est pour cela qu'il faut entraîner les enfants dans la vérité du Christ. La vérité, c'est pas avec la loi, c'est sans ces fardeaux. Et c'est pour cela, seulement si tu es en Christ, c'est parce que c'est la vérité du Christ qui libère. Et c'est ça, c'est par cette délivrance, cette liberté, qu'un enfant même peut être une bonne fille sans vouloir suivre cette loi, parce qu'il est en train d'obéir au Christ. Parce que quand tu obéis le Christ, tu suis le chemin du Christ, tu ne vas pas aller à faire des bêtises. Ça, c'est automatiquement. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Et oui, ça donne aussi le sens pourquoi les enfants des pasteurs font toujours le contraire de ce que leurs parents, pasteurs, leur recommandent. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So for Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believeth. Amen. Amen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Amen. Et welcher Vers war das? Genau? Direkt danach. 4. Danke. Car Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Amen. Amen. The Jews, for example, the Pharisees, they were experts in law. They were completely under law. Die Juden beispielsweise und die Pharisäer, die waren Experten im Gesetz. Sie kannten das Gesetz in- und auswendig. Mm. Les Juifs, par exemple, les Pharisäer, étaient vraiment experts dans la loi. Ils connaissaient la loi plus que toute autre personne. Amen. Amen. They might even be confessing their sins to one another. Amen. Just like one said to us yesterday. Amen. Mm-hmm. Let's look at Matthew 5. Wir gehen zu Matthäus 5. Et peut-être ils confessaient aussi leurs péchés l'un vers l'autre. Et on sait jamais. On va voir Matthieu 5. That's what they call salvation. Amen. Mm-hmm. Matthew 5.